Edmé Herr obtint enfin comme surnom le titre qu'il avait si vivement désiré de mériter, celui de l'honnête homme. Il avait tous les jours occasion de se l'entendre donner. Mais un soir, il fut témoin secret d'un dialogue entre Jacques Aublaise, le berger, et Germain, le garçon de charrue, qui dut lui être bien agréable. Jacques Aublaise, dites-moi donc, Germain, qu'est-ce que ça veut dire l'honnête homme qu'on dit après qu'on a nommé notre maître ? Germain. Mais est-ce que tu n'entends pas ce que ça signifie ? Jaco. Je vois ben à peu près, mais je n'entends pas ce mot-là ben clairement. Germain. Sais-tu ben ce que c'est que d'être bon père ? Jaco. Oui. Germain. Bon pour sa femme ? Jaco. Oui. Germain. Bon maître ? Jaco. Oui. Germain. Bon juge ? Jaco. Un peu. Germain. Bon envers un chacun ? Et bien craignant Dieu ? Jaco. Oui, je sais ce que c'est que tout ça. Germain. Eh ben, c'est ça qui s'appelle être honnête homme. Jaco. Me voilà instruit, ma foi, notre maître est bien nommé, car il est ben tout ce que vous venez de dire là, Germain. Le soir, après souper, l'honnête homme nous dit devant toute la famille assemblée. Mes enfants, il est un héritage que j'ambitionne beaucoup de vous laisser. C'est que partout où vous irez, partout où vous direz mes fils, chacun vous réponde aussitôt. Ah, vous êtes le fils d'Edmé Herr, c'était un honnête homme. Croyez-moi, mes enfants, cela vaudrait mieux que si on disait « c'était un riche homme, c'était un habile homme, c'était un savant homme, il a battu une armée à lui seul, et le roi l'a fait compte, marquis ou duc, ou telle autre chose que ce puisse être. Et tous, tant que vous serez, mes enfants, dans tout le cours de votre vie, que vous ne faites que de commencer, n'ayez pour but et pour unique ambition que de dignement mériter cette belle et utile qualité. Car si vous la méritez bien, on vous la donnera à la fin. » Comme à vous, maître, dit Germain, car à chacun vous la donne, et surtout nous, qui vous voyons de plus près et pour qui vous n'avez pas la moindre chose de dérober, Dieu soit loué, Germain. Voici une autre circonstance où cette même qualité de l'honnête homme causa au respectable vieillard une joie aussi vive que pure. Un de ses fils, qui demeurait alors à Auxerre, partit la veille des fêtes de la Toussaint avec un de ses camarades pour aller voir son père. Ils passèrent par un village qui était à moitié chemin, où demeurait un proche parent. Mais une escapade de jeunesse très récente fit mal accueillir le jeune Herr. Humilié d'être traité de la sorte devant son ami, ils partirent sur le champ tous deux pour se rendre à Sassy, par des chemins couverts de bois en partie. Environ à mi-chemin, ils n'en pouvaient plus de lassitude et de faim. Les deux jeunes gens, d'environ 16 ans, n'avaient pas grand monnaie. Le jeune Herr, surtout, qui n'en avait encore jamais senti l'utilité, avait négligé de se munir d'une dizaine de pièces de dessous qu'il laissait rouiller dans sa chambre avec quelques ferrailles. Le besoin les obligea de frapper à une porte en passant par le village de Puy-de-Bon. Ils trouvèrent les bons paysans à table, qui soupaient avec du petit salé. Une grande cruche de vin était devant le feu. C'étaient 3 familles réunies qui se régalaient à la fin de leur semaille. Ils étaient suitiers les uns des autres, c'est-à-dire associés pour faire une charrue de 3 chevaux. « Nous voudrions bien avoir un coup à boire en payant, » dirent les 2 jeunes affamés. « Oui, dames, messieurs, mettez-vous là, tout près du feu. Il faut céder la place aux nouveaux venus. »« Mais c'est que, » dit le jeune Herr, « nous ne sommes pas bien riches. » Et le camarade tira 6,5 sous de sa poche, somme totale de leur richesse. « Il y a là pour vous bien régaler, » dirent en riant les paysans. « Mettez-vous à table, messieurs. Reprenez votre argent, on ne paie pas ici d'avance. » « Pourrait-on vous demander d'où vous venez ?»« D'Auxerre. »« Et vous vous mettez en route si tard ?»« Vous voyez bien, » dit le camarade, « que nous n'avons pas peur des voleurs. »« Et puis, c'est que nous devions coucher à 1,5 lieue d'ici, chez le frère de mon camarade. »« Mais on nous a mis à la porte. » Le jeune Herr rougissait et donnait des coups de coude à l'indiscret. « Il faut bien que je me venge un peu, » lui répondit celui-ci. « Mais je garderai le silence chez ton père. » Les jeunes gens se mirent à manger, non pas suivant un appétit de 16 ans, mais avec la modération de gens qui n'ont chacun que 3 sous 1 liard à donner pour leur écho. Cependant, le maître de la maison examinait curieusement ses convives. La figure du jeune Herr surtout le frappait. « Messieurs, dit-il enfin sans être trop curieux, et où allez-vous ? À Sassy. Je ne me trompe pas, dit-il à ses amis, ce sont ses fils. Comment vous nommez-vous ? Je me nomme Rameau, dit le camarade, et mon ami Rétif. À ce dernier nom, toute la tablée se leva avec une sorte de transport. « Vous êtes le fils de Monsieur Herr ? Et que ne l'avez-vous dit en entrant ? Ah, l'honnête homme de père que vous avez ! Il n'y a pas un habitant dans Puy-de-Bon à qui il n'ait rendu service, et à moi en nom particulier. Femme, apportez le boudin. Il ne peut être mangé en plus honorable compagnie, à moins que le père lui-même n'y fût. Allons, messieurs, on ne part pas ce soir, voilà un i, ce sera pour vous, etc. Toute la maison était en l'air. Le camarade, petit gaillard, fort éveillé, était ravi. Ah, l'honnête homme de père que vous avez. Monsieur, disait-il au jeune Rameau, dans tous les environs, votre ami serait reçu comme ici. Je ne m'étonne plus, dit ce dernier à son ami, que tu fasses si peu de cas de l'argent. Tu n'en as que faire en route. Allons, allons, je te pardonne notre réception de tantôt et l'escapade qu'il l'a occasionnée. Enfin, les deux jeunes gens se disposèrent à partir, malgré les peurs qu'on voulait leur faire pour les en empêcher. À leur sortie, toute la tablée porta la santé d'Edmé R en lui donnant 1000 bénédictions. Les jeunes gens arrivèrent à Sassy en moins de 2 heures, quoiqu'il y eût près de 3 lieues. Mais ils s'étaient refaits par le vin et le régal des bonnes gens. Ils entrèrent comme le père de famille achevait la lecture de la Bible. C'était le chapitre de la Genèse, où Jacob, revenant de chez Laban, rencontre son frère Ésau et trouve moyen de le fléchir. Cette lecture attendrissante avait ému tout le monde. Le fils de la maison fut reçu avec transport, quoiqu'on le grondât un peu d'arriver si tard. On fit un accueil proportionné à son camarade. Leur appétit était presque aussi vif qu'au Puy de Bon. On leur servit à souper, et la famille entière resta pour écouter le récit de leur voyage, le jeune étranger ayant annoncé qu'ils avaient eu beaucoup de peine. Ils mangèrent d'abord. Ensuite, le père de famille leur dit « Allons, mes enfants, faites-nous un peu le récit de vos traverses dans le grand voyage que vous venez de mettre à fin. » « Ne vous moquez pas, monsieur, dit le jeune étranger. Nous en avons eu des traverses, et de cruelles. Mais la plus cruelle de toutes, ça a été celle de courir les risques de mourir de faim. Nous sommes partis d'Auxerre à 9 heures. Vous vous êtes donc égaré ? Justement. Comment, mon fils, tu ne sais pas encore la route ? C'est que nous avons pris, continua l'étranger, par des chemins de traverse. Bien nommés, je vous assure. Et à 6 heures du soir, nous n'avions encore rien mangé, car notre déjeuner d'Auxerre n'en mérite pas le nom. Avec cela, pas d'argent dans nos poches. Mais si j'avais su la pièce de crédit qu'avait monsieur votre fils... Comment, une pièce de crédit ? Et une bonne, monsieur, votre nom. Dès que nous l'avons eu prononcé, le pain, le vin, la viande, d'excellents boudins, un bon feu, des caresses presque comme celles que nous recevons ici, tout cela nous a plu sur le coup. Je n'avais encore jamais vu rien de pareil. Et le jeune homme, sans prendre haleine, raconta tout ce qui s'était passé au Puy de Bon. Toutes les fois qu'il répétait l'exclamation des bonnes gens, qui servait comme de refrain à leur discours, « L'honnête homme de père que vous avez !» On voyait le respectable vieillard lever les yeux vers le ciel et retenir à peine ses larmes. Quel moment délicieux! Et la vertu n'eût-elle que cette récompense, ne surpasserait-elle pas toutes les prétendues jouissances que le vice procure? Je vais terminer cette intéressante histoire, mais je la ferai suivre par quelques traits de la conduite de mes deux frères aînés, capables d'achever de donner une idée complète du père vertueux qui a su former de tels enfants. Edmé R jouit d'une assez bonne santé jusqu'en 1763, qu'il fut attaqué de la maladie dont il mourut en 1764, au mois de décembre. Cette année, la prairie fut inondée par les pluies. Le temps de la fauchaison étant arrivé, le respectable vieillard, dont rien n'avait jamais pu suspendre les travaux, crut qu'il avait encore l'invulnérabilité de sa jeunesse, qu'on me passe le terme. Il coupa lui-même l'herbe dans l'eau avec une adresse dont lui seul était capable, et en tira la plus grande partie. L'eau était si froide que tous ceux qui lui aidèrent en furent incommodés. Mon plus jeune frère eut une fièvre tierce, mais l'effet le plus funeste fut sur mon père, qui avait travaillé davantage et plus longtemps. Une fièvre lente s'empara de ce corps robuste et le mina insensiblement pendant près de 2 années. Je n'ai pas eu l'occasion de parler du fils aîné de ma mère dans le cours de cet ouvrage. Il avait pris un art aussi utile aux hommes qu'il est noble par l'évidence et la sûreté des secours qu'il procure, la chirurgie. Il s'y distingua. Il connaissait surtout si bien le tempérament de mon père et de ma mère qu'il ne les traita jamais en vain. Soit que sa méthode fût infaillible, soit plutôt que la confiance en lui fit plus que le remède. Cet excellent garçon était mort à 26 ans d'une chute de cheval, laissant une jeune veuve qui lui a donné un fils posthume. Durant tout le cours de sa maladie, Edmé R ne disait autre chose dans ses souffrances, sinon « Hélas, si j'avais ici mon pauvre Bovjat, ce fut la seule plainte qu'il se permit. » Messire Antoine Foudriat n'était plus. Ce fut un jeune curé qui administra les derniers sacrements, Mais le respect de ce jeune pasteur pour le vieillard était déjà si profond qu'il lui rendit des honneurs sans exemple en cette occasion. Il était suivi de toute la paroisse, les vieillards en larmes remplissaient la chambre du malade, et tout le reste, à genoux dans la cour, formait des vœux pour sa conservation. Le jeune pasteur, après une exhortation aux assistants sur la nécessité de se préparer de loin à la mort, ajouta en s'adressant à Dieu, « Ô Monseigneur, c'est dans le tabernacle le plus digne de vous que je vais vous placer aujourd'hui. Le corps de l'homme de bien est le temple le plus agréable à la divinité. Prenez courage, mon digne père. » Car par respect, il n'osait, a-t-il dit lui-même, le nommer mon frère. Ou vous allez être rendu à nos vœux, ou vous allez jouir de la bienheureuse vie dans le sein d'Abraham, avec tous les justes à qui vous avez ressemblé. Mais de tous les justes, j'ose le dire, il n'en est pas qui doivent attendre de plus glorieuses récompenses que le bon père de famille, qui a fait autant d'heureux et de vertueux qu'il a eu de familiers, qui a donné à l'Église de dignes ministres, à la patrie de braves défenseurs, à l'état des citoyens de toutes les classes et surtout des mères de familles exemplaires et fécondes. Ce sera un cri de joie dans le ciel à votre entrée, et le saint patriarche Jacob et tous les saints des premiers âges que vous avez révérés vont vous présenter au pied du trône de celui qui est, etc. Cette exhortation était bien dans le goût du vénérable vieillard, aussi lui tira-t-elle des larmes, et depuis ce moment, il attendit la mort avec une sérénité et même une joie, qui n'était troublé que par l'affliction de ma mère. Il n'est plus, Dieu Tout-Puissant. Votre plus noble ouvrage n'est plus, car un Père vertueux est votre vivante et sainte image. Béni sois-vous, ô mon Père, et du séjour des justes, jetez un regard propice sur votre infortuné fils. Amen. La vérité m'oblige à dire qu'il y a peut-être un reproche à faire à cet homme vertueux. C'est qu'il aurait voulu avancer tous ses enfants dans le monde. Il n'en a élevé qu'un aux travaux champêtres. Il a soigné notre éducation autant et plus que ses moyens ne lui permettaient. Et il nous destinait à vivre dans la capitale. Cela venait sans doute de l'estime que le vertueux Pombelin lui avait inspirée pour ce dangereux séjour, et des avantages dont il avait été sur le point d'y jouir. Mais autant il avait de goût pour nous voir établis à Paris, autant il nous détournait de nous fixer dans les villes de province. Et voici ce qu'il nous répétait souvent pour nous en détourner. « Mes enfants, la qualité d'homme est si belle !» qu'il faut éviter tout ce qui peut y donner atteinte. Or, je n'ai vu nul endroit où cette belle qualité soit plus avilie que dans les petites villes de province. 5 à 6 gros habitants s'en regardent comme les propriétaires, et il semble que c'est par grâce qu'ils veulent bien y souffrir l'utile populace qui cultive la terre, exerce les métiers et fait aller le commerce. J'en ai vu quelquefois des exemples révoltants sur les promenades publiques de la part de ces prétendus propriétaires, qui, possédant les principales charges de magistrature, avait en main tout le pouvoir. Je serais mort de douleur dans un pareil séjour. À Paris, au contraire, l'homme est encore plus libre qu'ici. Il n'y a qu'un maître, qui l'est de tout le monde. Et si un duc épère vous éclabousse, vous pouvez le lui rendre l'instant d'après. Grand et bel effet de la liberté dans cette ville immense, où l'on voit non seulement la nation dans toute sa majesté, mais où le genre humain respire l'air salutaire et le précieux parfum de l'égalité. Je n'ai jamais entrevu Paris de loin, qu'avec le tendre sentiment d'un fils qui revoit sa mère. La vérité, cette mère est un peu capricieuse. Elle est quelquefois bien dure. Mais aussi, la plupart du temps, elle choisit ses enfants, au point de les gâter. Je ne vous parlerai pas des amusements et des récréations qu'on trouve dans Paris. Cette grande ville est un spectacle continuel, où les scènes changent à chaque pas et à chaque instant. Mais ce qui est bien mieux, c'est un livre toujours ouvert, où vous pouvez lire toute la journée si vous n'avez rien à faire. En parcourant sur les quais les marchands de vieux livres, vous voyez encore en estampes les plus beaux traits de l'histoire. Et si vous avez quelques commencements d'études, vous vous instruisez en vous promenant, en faisant même vos affaires. À tout moment, vous pouvez y être utile au prochain, sans bourse déliée, si vous n'êtes pas riche. À toute heure du jour, vous pouvez, en passant, satisfaire votre piété. On y loue Dieu à tous les instants du jour et de la nuit. Ajoutez que le corps humain y étant assez bien soigné, pour l'ordinaire, il y est frais comme une belle rose au matin, avant que le soleil et la poussière aient séché la rosée. La parure même, que je ne condamne pas, y donne aux figures un certain air de bonne humeur et de satisfaction. Les femmes y sont 10 fois plus aimables qu'ailleurs. Paris, mes enfants, ou notre village, mais pourtant plutôt Paris que notre village. Rien de plus vrai que ce sentiment du digne homme. J'ai éprouvé tout ce qu'il dit et la peinture qu'il fait de la capitale, qu'il regarde comme le refuge de tous les opprimés et la consolation du genre humain est un de ces traits de génie qu'on conçoit mieux qu'on ne le peut exprimer. Mais les mœurs y courent bien des dangers. Hélas, est-ce un vice inhérent à la capitale, et celui qui s'y corrompt n'a-t-il pas apporté dans son cœur le germe de la corruption? Aimé R y vécut aussi pur que dans son village. Heureux mortel, heureuse la patrie si elle n'avait que des enfants comme toi. Mon père n'était pas mauvais prophète, en croyant que la capitale pouvait être avantageuse à ses enfants. Sans de malheureuses circonstances, deux de ses fils y auraient trouvé le même bonheur que leur père. Charles R., le même qui est mort soldat dans l'Hanover, fut pris en affection chez un notaire de Paris, qui fut si charmé de ses qualités qu'il se proposa de lui donner un jour sa nièce. Nous avons encore la lettre qu'il écrivit à mon père à ce sujet, après l'engagement du jeune homme. Engagement qui ne fut pas l'effet du libertinage, mais d'une sorte d'enthousiasme qui saisit Charles et lui fit désirer de servir l'État, en payant de sa personne. Un autre fils aurait encore été plus heureux, mais cet infortuné fut toujours poursuivi par un sort contraire, triste exemple pour les enfants indisciplinés, qui s'abandonnent à leurs passions fougueuses, et qui prétendent disposer d'eux-mêmes à leur gré dans la circonstance la plus importante de la vie, le mariage. Il faut, avant de rapporter son aventure, mettre le lecteur au fait d'une circonstance inattendue. En 1664, par une singularité frappante, sans être miraculeuse, il se trouvait à Paris, dans le même commerce de M. Pombelin, avec une fortune égale à celle qu'il possédait. Un de ses petits-enfants, par Eugénie, qui avait deux filles, de la plus charmante figure, dont l'aînée se nommait Rose, et la cadette Eugénie, comme leur grand-mère et leur grand-tante. Par une autre singularité, un des fils d'Aimé R vit ces deux jeunes personnes sans les connaître, et devint éperdument amoureux de l'aînée. Emporté par une passion dont il n'était pas le maître, cet infortuné jeune homme, sans but fixe, puisqu'il était marié, écrivit des lettres anonymes où ses sentiments étaient peints avec une véhémence et une vérité qui firent impression, non sur la jeune personne, mais sur son père. Il désira de connaître quel était celui qui pouvait écrire ainsi, et donna ordre à ses garçons de tâcher de le surprendre. Ils y réussirent à la dixième lettre, non à l'instant où il la posait. Le jeune homme prenait de trop exactes précautions. Mais dans un moment où il s'enivrait du plaisir de regarder la belle Rose B à une fenêtre basse. Ils le saisirent et le traînèrent dans une salle où étaient les deux jeunes personnes, leur frère et le reste de la famille. Le père était alors absent. Quelle confusion pour un homme naturellement timide et qui était dans un très grand négligé. Il essuya beaucoup d'humiliation, mais la plus cruelle de toutes fut le dédain de celle qu'il adorait, dédain trop mérité pourtant. Le père de famille survint un instant où on venait de lui faire écrire quelques mots pour se convaincre qu'il était l'auteur des lettres. Dès que M. B vit le jeune homme, il fit sortir tout le monde sans exception, et sentant que son cœur s'intéressait vivement pour cet inconnu, il lui parla avec douceur. « Pourquoi cherchez-vous à développer dans le cœur d'une de mes filles une passion qui peut y faire d'affreux ravages? Pourquoi m'outragez-vous, moi, qui ne vous ai jamais rien fait? Tâchez de me fournir au moins quelques motifs de vous excuser. » Le jeune imprudent, confondu de tant de bonté, se jeta aux genoux de M. B. « J'ai tort, lui dit-il, voilà tout ce que je puis et tout ce que je veux dire. Mais j'ai été entraîné malgré moi, ma faute n'a pas été volontaire. Excuse ordinaire de tous ceux qui font mal, je suis au désespoir de ce que j'ai fait. Mais je suis trop vrai pour vous dire que je ne le ferais pas si j'étais à le faire. Qui êtes-vous? Un jeune homme de province. Vous la nommez la Bourgogne. La Bourgogne, votre nom? Il me dit, mon cher ami, causons tranquillement. « Votre père n'a-t-il jamais demeuré à Paris ?»« Oui, monsieur, et il a été plus heureux que moi. »« N'a-t-il pas connu un monsieur Pombelin ?»« Ah oui, monsieur, beaucoup, je vous assure. »« Beaucoup ? Je suis fâché de ce qui est arrivé. »« Mais revenez me voir demain, et faites une toilette un peu plus soignée. »« J'ai à vous parler. »« Je présume que vous êtes libre. »« Je veux dire garçon, et sans aucune sorte d'engagement. »« Adieu, sortez par cette porte de derrière. »« La foule est dissipée. »« Revenez demain, vous me demanderez moi-même. »« Entendez-vous ?» Le jeune homme sortit, le désespoir dans le cœur. Le lendemain, il n'eut pas le courage de se présenter, il n'était pas libre. Il écrivit et supplia M. B de vouloir bien l'encourager en lui marquant en gros ce qu'il avait à lui dire. Réponse. Vous savez mon nom, je suis fils d'Eugénie Pombelin. J'ai su de ma mère l'histoire de votre père et de ma tante. Je serais charmé de réaliser un ancien projet, supposé que vous teniez de votre père comme Rose, ma fille aînée, tient de sa tante et Eugénie, ma cadette de ma mère. « Nous vous attendons ce soir. Eugénie Pombelin, qui vit encore, se fait une fête de vous voir. » réplique. « Monsieur, un démon ennemi du repos de mes jours, m'a poussé dans votre quartier. Je n'irai pas chez vous, je ne le puis, mais j'en mourrai. Je suis monsieur avec un profond respect. » Le jeune homme avait raison. Qu'eût-il été cherché? Mais le reste de ses jours fut empoisonné. Malheureux auparavant, il sentit ses peines s'accroître, sa santé succomba. Il descendit aux portes du tombeau. Et si la force du tempérament l'en a ramené, il n'a jamais recouvré, je ne dis pas le bonheur, mais la tranquillité. Condamné à d'éternels regrets, il est justement puni de l'espèce de violence qu'il a faite à ses parents. Puisse son exemple être une leçon profitable pour tous ceux qui seront tentés de l'imiter. C'est ainsi que le vice est son propre bourreau.